Ça y est. Elle a crevé, la vieille. Le vieux était parti plus tôt. Ils ouvrent les placards de la vieille. Sont en argent, tous les couteaux. Elle a gagné si peu, la vieille, qu'elle économisait tout le temps. La caisse d'épargne veille à l'oseille. Et son oseille, c'est votre argent. Dans la chambre, on veille la vieille. La vieille est morte. Ils emportent tout. Ils se partageront les restes d'une petite dame aux cheveux blancs. L'argent pourrit tous ceux qui l'aiment. Ils sont nombreux ceux qui aiment l'argent. Avec du pognon dans la poche, quitte à perdre l'amitié, on se trahit, on devient moche, on oublie jusqu'à s'oublier. Tu te crois fort, tu te crois riche, tu te dis petit parvenu, mais sache qu'au regard des plus riches, tu n'es rien d'autre qu'un trou du cul. Tu fais comme si tu as de la thune, faut dire que la vieille n'en avait pas, tu bouffes, connard, sa petite fortune. Casino des cons d'en bas. Faut dire que la vieille vous aimait tant, qu'elle faisait attention à vous. Faut dire qu'elle était de son temps, mais de son temps, tout le monde s'en fout. Elle était fragile et si tendre, qu'elle se réveillait en pleine nuit et toujours là pour vous défendre, à faire soleil quand il faisait pluie. Elle était chouette, c'est vrai, la vieille, son petit livret n'est pas si petit. Elle avait sa petite fiche de paye, tu la voles en pleine nuit. Tu t'achèteras un bateau pour faire le beau à Saint-Tropez, petit, petit, mais assez gros. Le petit magot qu'elle t'a laissé avec ses doigts de couturière, elle a tissé toute sa peau, et si son argent te rend fier, bienvenue chez les cons d'en haut. Tu sais, quand tu mourras, ma vieille, lorsque tu rejoindras papa, je serai triste, ma petite vieille. La tristesse ne se compte pas. J'achèterai des marguerites, ton chanteur de rue malheureux déposera son bouquet d'artistes sur la tombe des jours heureux. Car tu disais toujours, ma mère, pourquoi les gens vont sans bonheur? Et ce bonheur-là, mon petit père l'avait déposé sur ton cœur. Je veux crier ma vie d'artiste, celle qui ressemble à tes grands yeux, à ce bouquet de marguerites qui me rendra si malheureux. Mais je ferai ma vie d'artiste et je resterai droit debout comme un vieux clown qui se dit triste. Je ferai rire malgré tout, maman. Je veux te dire, je t'aime et tu le sais depuis longtemps. Ce verbe-là reste le même pour des milliards, milliards d'enfants. Alors tu sais, ma petite vieille, ce que je veux garder de toi. Je n'envie rien, ma petite vieille, ni ceux d'en haut, ni ceux d'en bas.